Radio Hot. Hey, c'est ben le fun! Jubila Mec derrière son micro avant d'ajouter Franchement, Amé, en tout cas, wow! Vraiment wow! Doubla Mallory en applaudissant. Amélie sourit poliment de l'autre côté de la table ovale. Elle revêtait l'uniforme et l'armure de la Hope Sec, sous les reflets bleutés de l'éclairage du studio. Les plaques de céramique insérées dans la fibre para-aramide lui donnaient une carrure impressionnante. Elle était flanquée à sa droite par une publiciste de la firme et à sa gauche par un avocat. Tous deux gravement concernés par l'entrevue. Sous le néon grésillant de Radio Hot, les animateurs gigotaient sur leurs tabourets. Mike était tout de chaîne en or et de greffes de muscles, son t-shirt moulant ouvert sur un torse épilé. Il avait une décapotable sport tatouée derrière l'oreille. Mallory, quant à elle, avait de grands yeux, d'un turquoise bien en vogue, la marque de commerce à peine visible sous l'iris. Les mèches de sa chevelure étaient agencées en vaguelettes complexes sur sa tête, dégradées en trois teintes de brun. La fermeture éclair de sa combinaison jaune ouvrait sur un décolleté plongeant, où un crucifix argenté luisait, la silhouette de Jésus écrasée entre les globes de silicone. Hey! Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, tonna Mike au micro. Vous êtes au Mike et Mallory Show à Radio Hot, Hot, Hot! Écoute, ami, nous autres, là, c'est simple, on capote sur ton cas! On capote raide, ajouta Mallory. Ouais, mesdames et messieurs, une vraie célébrité avec nous en studio, ici right now, Officia Amélie Lacroix, la lionne! Rawr! Fit Mallory en déployant ses ongles en direction d'Amélie. S'exclafa Mike. Merci de me recevoir, dit finalement Amélie. C'est bien aimable. Et en tout cas, toi, vombrit Mike. Toi, t'es quelqu'un qui, vraiment là, t'as pas peur d'aller dans les recoins pour scorer des points, hein? Disons les vraies affaires. Pif paf, merci, bonsoir. À un moment donné, c'est parce que c'est juste ça qu'ils comprennent, tu sais. Mallory fit semblant de frissonner. Brrr. En tout cas, moi, je te ferai pas de mal, ricana-t-elle. Aussitôt, le publiciste mit sa main sur l'épaule d'Amélie, hocha la tête. Amélie se rappela soudainement les notes du briefing. « Sauf qu'il y a une nouvelle menace, » commença-t-elle alors. « C'est une gang qui s'appelle le Mouvement du 9 août. Écoutez, ils sont organisés, ils sont violents, ils sont extrêmement dangereux. » « Oui, j'ai vu ça !» interrompit Mallory. « Ces hosties malades mentaux ont braqué une banque l'autre jour. Voler l'argent du bon monde, je te dis !»« Mais on a besoin de votre aide !» persista Amélie. « On offre une compensation de 100 000 crédits pour quiconque nous fournit de l'information pouvant mener à une arrestation. Anonymat garanti. » Mallory roucoula dans le micro. « Wow! 100 000 bazoongas! »« Non mais hein! » lança Meg agressivement. « Maudit petit gogo chamarde, tout cru dans le bec, puis après ça, ils vont aller brailler, maman, papa. Oh, je suis allée péter des vis, puis là, la madame, elle m'a tiré dessus. » « Franchement, » maugréa Mallory, déconcertée. « Non, mais ils comprennent-tu? » cracha Mike. « Ou ben, ils comprennent pas. »« Ils comprennent pas, » confirma Mallory. « Mets-moi ça en dedans, hostie, » proposa Mike. Toutes les étranges puis les pas propres, hein, puis toutes les ayatollahs puis les pas bien en tête, toute la gang. Pas compliqué? En dedans, clama Mallory. Mais pas juste en dedans, reprit Mike, sarcastique. Là, et non, non, non, non, non. Ma belle malle, no way. Qu'est-ce que tu veux dire, Mike? Feint Mallory. Ce que tu fais là, continua l'autre. C'est bien simple. Tu pognes ça, OK? Puis t'es fait travailler. Consciente que la discussion progressait sans elle, Amélie se retourna vers la publiciste, puis l'avocat, cherchant des directives. Mais ils étaient maintenant affairés sur leur portable et ne semblaient plus l'écouter. Amélie prit une grande inspiration. T'es fait travailler? S'enquit Mallory, à moitié sérieuse. Drette ça! Confirma Mike, inspiré. Tu serves à quoi? Les tartistes, les fifis, les butch à moustache? Pis ceux qui veulent pas? La chaise, hostie. Zip, zap, zoup, fini. N'a plus, on n'en parle plus. Ciao, bye. Non, mais payer ça avec nos taxes encore? Non, non. Tu prends ce qui reste, puis tu fertilises un champ de patates avec. Puis là, on se mange une bonne poutine, OK? Hostie, au moins, ils auront servi à quelque chose. Mike et Mallory s'exclaffèrent dans le studio. Bye! Enchaîna Mallory en riant. Bon, là, je pense qu'on est rendu à prendre un appel. Oh yeah! Tonna Mike. C'est le moment que vous attendiez. Posez vos questions à la Hot Lionne, Amélie Lacroix. Hot, hot, hot! Roucoula Mallory. Et Amélie allait dire quelque chose, n'importe quoi, lorsque l'avocat et la publiciste placèrent tous deux leurs mains sur ses épaules. Le même message d'alerte luisait sur leur portable.